je suis plus désolé maintenant, faut que tout le monde le sache. Je suis devenu barge, les gens je les comprends ap. L'argent encore moins, oui c'est encore moi. Le mec aux mille blases, le mec qui n'importe quand te trouve où ça se passe. Je te parle de moi dans mes textes. Si tu parles toi de moi, faudrait mieux que tu me connaisses. Avant de dire n'importe, avant de compliquer quelque chose de si simple. Respecte le boulot, respecte les mecs qui ont du culot. Respecte le Helix réveillé depuis l'eau. Observe les gens crier yup, yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens crient yup, yup. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens bougent leur tête. Vise comment les gens croient. Attends, j'ai un truc que j'ai posé tout à l'heure. Ça. On te met le poids d'un buffle, taf dur comme le poids d'un russe. Embarque un tractopelle dans un Airbus. Je suis l'élu avec un prépuce, un précurseur. Remballe ta vie dans l'utérus au lieu de baiser sur mon deuil. Hein. T'as vu ta l'air tout blanc, t'as vu la crème de la crème, on te l'amène souvent. Faut de l'argent pour que tu chantes. Autant mettre une gaine moulante à une vieille croulante ou une putain.